trop parler, c'est ton dada. On n'est pas de ceux qui bégayent. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Laissez passer mes ladies. Laissez passer mes ladies. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, j'suis sur off pas on on. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, mais j'suis off pas on. J'viens de Paris, pas du Dakota. Shopping Fashion Week, c'est du tac au tac. Blabla sur nous, on s'occupe pas de ton cas. La bague au doigt, on veut pas ton gars. Que t'es la vie simple, la vie royale. Faut marcher droit, rester loyal. On flic, top glam, gossip, vite femme. Trop parler, c'est ton dada. On n'est pas de ceux qui bégayent. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Laissez passer mes ladies. Laissez passer mes ladies. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, j'suis sur off pas on on. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, mais j'suis off pas on. Il fait le beau, c'est sa vie, c'est pas mon beau. Elle fait la belle, c'est sa vie, c'est pas mon dos. On est en mif mif et on kiff kiff. Ça les pic pic, on fait la div div. Faut qu'on vive, qu'on s'évade. Qu'on reste vif et qu'on se régale. On flic, top glam, gossip, vite femme. Trop parler, c'est ton dada. On n'est pas de ceux qui bégayent. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Laissez passer mes ladies. Laissez passer mes ladies. Calmos, mon baba. Faites la place pour mes babies. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, j'suis sur off pas on on. Ram pam pam pam, j'suis connu jusqu'au dom dom. Mon bigo son son, mais j'suis off pas on on.